de France Culture. France Culture la nuit, une mémoire radiophonique. Gustav Klimt, chef de file de l'art moderne en Autriche, apparu tout d'abord comme un peintre décoratif, qualifié de symboliste, de peintre de l'allégorie. C'est à l'occasion d'une exposition à Vienne que Jean Dève avait étudié, observé les portraits de femmes par Gustav Klimt. Parfois la symbiose de la femme-enfant et de la femme fatale, aux antipodes de l'esthétisme dominant de son époque. Ce que montrait Gustav Klimt, eh bien, ce que la société viennoise voulait cacher. Peinture fraîche par Jean Dève, première diffusion sur France Culture, le 18 octobre 2000. Peinture fraîche. Gustav Klimt et les femmes, exposition au musée du Belvédère à Vienne, avec Gerber Freudel, directeur des galeries du Belvédère, Inge Scholz-Strasser, directrice du musée Sigmund Freud à Vienne, Didier Semain, historien de l'art, et le peintre Denis Lager. Sigmund Freud commence à soulever quelques voiles du traumatisme dont les effets profondément empoisonnent la société de la capitale autrichienne Vienne, qui depuis toujours se vit à la frontière de deux mondes, à la frontière de l'Orient. Le philosophe Ludwig Wittgenstein, l'architecte Otto Wagner, le peintre Gustav Klimt donneront une vision élargie de l'art, et Klimt en particulier bâtira le crépuscule de l'Empire comme une renaissance, à la lumière de la femme et des grands sujets féminins. Il y a, naturellement, l'hystérie, la castration, c'est-à-dire le baiser, le sommeil, et la nudité n'est pas autre chose qu'une saison éternelle. L'âme des tableaux, le cœur des portraits s'exprime comme des icônes, avec des reflets d'or, l'exubérance des couleurs, la réminiscence des civilisations d'autrefois. L'œuvre est magique et réinvente le détail narratif au profit, par exemple, d'un érotisme audacieux. Les galeries du Belvédère organisent, enfin, dans le cadre des manifestations de l'an 2000, la grande rétrospective des portraits féminins, qui réunit une centaine d'œuvres de Gustav Klimt. Gerbert Freudel, nous sommes dans l'exposition Klimt et les femmes. Alors tout d'abord, qu'est-ce que Klimt essaie d'exprimer à travers cette galerie de portraits de femmes ? Gustav Klimt drückt eigentlich. En fait, Gustav Klimt exprime sa vision de la femme et celle de son temps, ou plus exactement, celle d'une bourgeoisie libérale de cette époque. Alors là, nous sommes devant un premier portrait qui est encadré d'une toile, d'un tableau de Velázquez et d'un autre tableau de Baudelaire, ce qui donne beaucoup plus de force au portrait de Klimt. Dans cette exposition, notre propos n'était pas de montrer seulement Klimt, mais de le situer également dans le contexte de la peinture européenne, tout en essayant de montrer sa provenance. C'est-à-dire la tradition viennoise dont il est issu. Velázquez est un bild aus der. Pour ce qui est du tableau de Velázquez, on sait que Klimt a eu l'occasion de l'admirer au Kunsthistorisches Museum. Quant à Ferdinand Hodler, il était très proche des peintres de la Sécession et donc également très proche de Klimt. Alors, ce qui est très intéressant avec ce tableau de Klimt, c'est que tout est axé sur le portrait. autour du portrait, il y a quand même de grands aplats de couleurs. La nature est absente. Oui, c'est vrai. Chez Klimt, la nature ne joue absolument aucun rôle dans les portraits, contrairement à ses peintures de paysages. Il y a deux parties bien distinctes dans l'œuvre de Klimt, comme chez Klimt lui-même d'ailleurs. On a d'une part le citoyen, le citadin qui peignait les femmes, et d'autre part l'estivant. En villégiature au bord de l'Attersee, un lac en Haute-Autriche qui ne peignait que des paysages, uniquement des portraits en hiver et uniquement des paysages en été, sans jamais mélanger les deux. Au fond, il y a le Klimt citoyen de la ville de Vienne et Klimt qui rêve la femme, qui peint ses fantasmes. Je pense par exemple à deux très beaux tableaux, Le baiser et le tableau Die Braut. Die Braut, qui est un tableau beaucoup plus compliqué que le tableau de le portrait de Fritz Riedler. Gustav Klimt war ja auch ein Maler der Allegorie. Gustav Klimt était aussi un peintre de l'allégorie. Könnte man ihn sogar als Symbolisten bezeichnen. Au début, on pourrait presque le qualifier de symboliste. Und er hat dann in seiner Et dans les années 1900, il a peint 4 ou 5 grands formats allégoriques. Et pas seulement ceux destinés à l'université qui ont été malheureusement perdus. Mais il en a peint d'autres, comme Der Tod und das Leben, la vie et la mort, les trois âges de la femme, le baiser, la fiancée. Semain. Rappelons la date de 1900. 1900, publication de la science des rêves. Et au fond, à la même époque, des artistes comme Otto Wagner et Klimt rêvent de l'œuvre d'art totale, globale. Est-ce que vous pensez que Klimt rêve, lui, ou a décidé de réinventer le crépuscule de l'Empire austro-hongrois? Vaste sujet. Je vais préciser. Il s'agit au fond d'un crépuscule, du crépuscule d'un empire, mais le médium sera la femme, qu'il va décliner, ou dont il va décliner un certain nombre de sujets. L'étreinte, le baiser, la fécondité, la nature, les saisons, la beauté, la chevelure. La Vienne fin de siècle était évidemment c'était évidemment un crépuscule, mais dont j'aurais tendance à penser qu'il n'en c'est un crépuscule qui n'en finit pas. Enfin, c'est pas l'amorce de quelque chose qui est déjà fini. C'est un crépuscule perpétuel et Ce qui est admirable chez Klimt, c'est la proximité, l'entrelacement et la confusion de l'érotique et du décoratif. Il est le maître absolu. J'ai toujours un peu de mal à tisser à grands points comme ça des rapports entre une histoire précise, celle de la, ce que tu appelles la fin de l'Empire austro-hongrois, et des objets que j'ai sous les yeux, qui me paraissent à la fois probablement symptomatiques et encore en dehors de la mise en avant de la sexualité. Il me semble que les démarches de Freud et de Klimt sont tout de même assez... Je pense que ce qui nous amène à imaginer très bien Klimt comme une illustration des thèses de Freud, c'est leur contemporanéité, mais je suis pas sûr que ce soit si juste que ça. Il y a un mot là que je retiens, c'est le mot décoratif. Oui, comme tu sais, des manières de Klimt dans ses tableaux, la manière très, très connue et très, très célèbre qu'il avait de faire était de peindre d'abord sur la toile des nus somptueux mais très provoquants, des accouplements, des origines du monde en quelque sorte, et puis sur tout ça, n'en laissant dépasser que ce quelque chose qu'il pouvait à peine laisser imaginer ce qui passait en dessous. Il organisait ces frises magnifiques, ces abstractions, comme des mondrians dorés et symbolistes qui venaient recouvrir l'origine du monde. En fait, il y a dans les tableaux de Klimt à la fois le tableau de Courbet et puis le truc que Lacan avait mis devant de maçon pour dissimuler aux visiteurs qui ne pouvaient pas avoir accès au tableau dans sa crudité. Et j'ai toujours trouvé cette manière de faire, à la fois d'un dandysme somptueux et d'une efficacité picturale insensé, c'est une beauté bouleversante. Il y a quand même le motif du labyrinthe qui est assez présent. Je pense aux robes, par exemple, assez labyrinthiques, dans laquelle disparaît presque le corps de la femme. Oui, il y a des tableaux où ce motif décoratif s'emballe en quelque sorte et puis dévore toute la chair, mais ça me paraît dire quelque chose véritablement sur la peinture. On sait bien que les cultures qui ont proscrit la représentation de la chair et surtout de la figure humaine, mais de la chair dans cette crudité en particulier, ont aussi produit les systèmes d'ornement les plus fabuleux et les plus somptueux. Et j'ai tendance à lire Klimt un peu plus comme ça, c'est-à-dire peut-être pas tant la fin de l'Empire austro-hongrois que le fait que Vienne ait toujours été sur la ligne de démarcation entre l'Empire ottoman et l'Occident. Moi, j'ai tendance à lire ça dans sa peinture. Il y a les deux systèmes conjugués, il y a l'incarnat qui est toute l'affaire de la chrétienté, enfin, en tout cas celle qui n'est pas réformée. Le voilé et le dévoilé. Alors, bon, là, évidemment, on peut ramener Freud. Lydie Semain, est-ce que vous pourriez faire un portrait secret de la femme peinte par Klimt? Qui est-elle? Que transporte-t-elle? Qu'est-ce qu'il lui demande à cette femme-là? Il y a dans Klimt est pour moi le dessinateur de nul, probablement le plus extraordinaire, avec peut-être Rodin dans ses aquarelles, mais d'ailleurs on sait qu'ils se sont rencontrés, qu'il y avait probablement cette préoccupation commune. J'aime beaucoup la phrase de Rilke, très connue dans une des lettres à sa femme sur Cézanne, et à propos des natures mortes, Cézanne a su ravaler son amour pour les pommes réelles et le mettre à l'abri pour toujours dans la pomme peinte. C'est probablement un peu scandaleux de dire ça d'une femme, mais pour moi, Klimt, c'est ça. Alors, il n'a pas toujours ravalé son amour pour les femmes réelles, on le sait bien. C'était pas un prix de vertu, mais il y a quelque chose de ça dans sa manière de peindre et dans la faculté qu'il a d'imbriquer, de tisser l'érotisme du trait avec l'érotisme de ce qu'il montre. Les dessins sont très enlevés à l'économie, ces nus sont pratiquement jamais dans la position d'une nue académique, c'est-à-dire on a vraiment l'impression qu'il regarde des femmes et pas des modèles. Les modèles, ça me frappe, puisque, comme tu le sais, j'enseigne dans une école de dessin, les modèles qui posent nus sont vêtus de leur fonction, en quelque sorte. On voit vraiment pas la nudité dans ce cas-là, c'est quelque chose qui est d'un autre ordre, alors que chez Klimt... C'est l'œil qui regarde, qui fait la nudité, sans doute. Bien sûr, oui, c'est le regardeur qui fait le tableau, et c'est le regardeur qui fait la nudité, et Klimt arrive vraiment à regarder les corps nus, féminins et masculins. Et d'ailleurs. Comment est posé l'érotisme? Est-ce que c'est un érotisme qui a lieu sans Klimt, malgré lui? Ou bien au contraire, il y aurait une technique de l'érotisme? Oh, en fonction, appliquée. Moi, je crois beaucoup à la peinture comme instrument d'intelligence du monde. Il y a un érotisme, je ne sais pas, là, ça devient des questions très privées, mais qui me paraîtrait ne pas exister sans Klimt. Une grâce extraordinaire de la posture obscène, qui n'est pas du tout chez Courbet, par exemple. Enfin, l'origine du monde, puisqu'on en parlait tout à l'heure, cette femme n'a pas de visage. C'est quelque chose d'une autre nature chez... Il y a une chair assez proche de celle de Rubens, par exemple, chez Courbet. Pas du tout chez Klimt. Non, chez Klimt, il y a cette chose qui est très, très présente et qui est un peu baudelairienne et qui sera très présente chez Schill aussi, qui est cet érotisme pour être très, très grand n'est pas un érotisme optimiste. Les corps de Klimt sont décharnés, sont en voie de corruption. C'est pas une sorte d'érotisme rebelle, un érotisme rimbaldien? Il y a quelque chose comme ça, en particulier dans les premiers tableaux, celui où cette femme avec la longue chevelure rousse qui présente son arrière-train au spectateur au premier plan et qui se retourne avec un air de dire cause toujours, c'est assez merveilleux. Et encore une fois, ces femmes provocantes ont un visage, ne sont pas des femmes objets. Elles sont très narquoises. Gerbert Frödel, avant de regarder, de contempler le baiser, contemplons ensemble ce très beau tableau d'Ibraut. Comment décrire une telle toile? Ja, das wüssten wir auch gern. Ja, oui, nous aimerions bien le savoir, nous aussi, parce que Klimt ne s'est pratiquement jamais exprimé sur ses œuvres. Il n'a pas laissé de correspondance. Gefunden über sich selbst il ne trouvait pas Kunst important reden, de parler de lui ou de son art. Nicht wichtig. Und aus diesem Grund müssen wir selbst et pour cette raison, nous sommes donc obligés de beaucoup interpréter. Bon, par exemple, la chair est grise, alors que les tissus, les étoffes ne sont que couleur. Es ist so... C'est ainsi, le contraste pictural joue un rôle dans toutes les œuvres de Klimt, comme ici dans ce tableau inachevé de la dernière période. Où la reproduction naturaliste de la peau, l'incarnation, contraste avec le fond ornemental coloré, presque abstrait. Il s'agit d'une jeune fille qui rêve d'un fiancé et qui rêve aussi des autres amis de ce fiancé. Est-ce qu'il y a un mouvement propre à Klimt, c'est-à-dire ce mouvement de serpentin, ce mouvement de spirale, quelque chose qui tourne? Oui, dans ces tableaux, comme dans les derniers tableaux de Klimt, il y a plus de mouvement que dans les premières peintures. Prenez les grands portraits de femmes, ceux de Fritz Riedler, Adèle Bloch-Bauer et Sonia Krebs. Il en émane un très grand calme, une grande tranquillité. Et là, la nature comme le mouvement sont absents. Alors que les personnages commencent à bouger dans l'œuvre plus tardive, comme ici dans le tout dernier tableau, inachevé, il se trouvait encore dans l'atelier à la mort du peintre. Et là, soudain, on observe, comme vous le disiez, un mouvement en spirale qui est aussi le résultat de l'influence de l'expressionnisme dans les dernières œuvres de Klimt. Que pensez-vous du personnage féminin vêtue d'une robe bleue qui semble comme une ligne de partage ou comme une fente au milieu des deux couples? En fait, ce tableau pourrait tout aussi bien s'intituler Le rêve, car il s'agit d'une jeune fille endormie qui manifestement fait des rêves érotiques. Et le baiser que nous allons voir, c'est aussi un rêve? C'est le rêve du baiser? Mm-hmm. Ou c'est un baiser physique? Oui, les deux. Alors ce baiser rêvé ou physique est posé sur un fragment de nature, mm-hmm. Énormément de fleurs des champs. Yeah. Il s'agit d'une nature artificielle. C'est une île ou une falaise ou quelque chose de ce genre. Mais c'est aussi un couple qui s'embrasse, comme dans une sorte d'Éden. Le couple est coupé du monde et hors de tout espace, n'appartenant qu'à lui-même. On pourrait peut-être parler d'amour allégorique, peut-être même de celui du peintre, mais on n'en sait rien. Est-ce qu'on pourrait parler ensemble de l'or, l'or de la femme et l'or de l'homme? Est-ce qu'en fait ce sont deux ors différents? Oui, Klimt le fait souvent à cette époque. Il utilise des ors différents dans le traitement des surfaces. Ici, c'est très net. C'est le même pour l'homme et pour la femme. Et il en choisit un autre pour l'ornement. L'ornement de l'homme est carré, celui de la femme est rond. Et Klimt a toujours utilisé ce genre de traits allégoriques et de symboles. Vous ne trouvez pas que le pré semble au bord du précipice, au bord du vide? Il y a le pré, le couple, et tout autour, je dirais presque, c'est la nuit, ou c'est le vide, ou c'est le néant. Oui, c'est ça. Dans tous les tableaux de Klimt, l'espace est absent, la structure du tableau est extrêmement plate. Comme ici, où seul un fond doré neutre permet de suggérer un espace vide. Car il s'agit ici surtout de faire ressortir le couple. Nous sommes à Vienne, dans le musée Sigmund Freud, avec vous, Inge Scholz-Strasser. Vous dirigez ce musée et nous sommes devant une des sœurs de Wittgenstein, dont un tableau existe grâce à Klimt. Et cette sœur de Wittgenstein était une patiente de Freud. Oui, c'est correct. C'est Margarete Stonborough-Wittgenstein. Et c'était la sœur pour laquelle Ludwig Wittgenstein a construit la maison au troisième quartier. Elle était une patiente de Freud. Et quand il a fini l'analyse, Freud et Margarete avaient eu un échange des lettres, spécialement quand les deux ont dû émigrer. Et il y a ce fameux lettre de Freud, le lettre dans lequel il dit « Je suis arrivé à Londres, mais ma collection d'antiquités est venue avec moi, mais elle ne grandit plus. Au contraire, ça devient moins et moins comme moi-même. » Alors là, on a un triangle Klimt, Freud et entre autres cette patiente. Donc on peut dire que ce qui relie Klimt et Freud, c'est quand même la femme hystérique. Oui, on peut dire ça dans un sens très large, parce que Freud et Klimt n'ont pas eu de relation personnelle, donc ils ont vécu dans la même cité, mais Freud était très retiré à Vienne. Il n'était pas membre des cercles d'art ou de cercles de littérature ou de philosophie, parce qu'il a créé sa même philosophie, sa même thérapie et science, on peut dire. Mais le lien ou le centre, c'était les femmes, on peut dire hystériques, qui Klimt a fait le portrait, dont de Klimt a fait les portraits et Freud a traité. C'était les femmes bourgeoises. C'était à l'époque quand la caractéristique de Vienne était de la joyeuse apocalypse. Comment est-ce que Klimt, selon vous, représente la femme viennoise, la femme bourgeoise, la femme, disons, hystérique? Klimt voit les femmes dans leur fragilité, mais à la même temps dans leur puissance, dans leur volonté. Il peut montrer les vœux qui les femmes n'étaient pas permis de communiquer. Alors, il voit, si on peut dire, le secret que Freud, ou le mystère que Freud a cherché et que Freud a connoté. Au fond, Klimt montre ce que la société viennoise veut cacher. Oui, et comme Freud, il avait eu beaucoup de conflits, et comme Freud, il était très, très strict et rigoureux. Ça, c'est une chose les deux hommes ont ensemble, qu'ils n'étaient pas d'accord avec la bourgeoisie viennoise, et à la même temps, ils ont gagné leur monnaie de cette bourgeoisie. Tout à l'heure, vous avez dit, Didier Semain, les dessins, les nus sont extraordinaires. Est-ce qu'il y a une différence entre le nu dessiné et le nu peint? Autrement dit, est-ce qu'il y a des techniques différentes et aussi une vision différente? Il y a une différence que je perçois très clairement, mais j'ai jamais essayé de me l'expliciter véritablement. C'est-à-dire que dans le nu dessiné, il n'y a pas cet enjeu de l'incarnat. Et d'une certaine manière, l'obscénité dans ce cas-là, ou la matérialité du nu dessiné, elle est dans les pilosités, les cheveux, les poils pubiens pour Klimt, qui sont toujours presque rien, et en même temps, c'est avec une désinvolture très, très gracieuse. Les cheveux, là encore, on est dans une esthétique très baudelairienne, c'est très important chez Klimt, et c'est quelque chose qui est. C'est une matière qui se prête formidablement bien au dessin. C'est vrai que les cheveux dessinent, par exemple, une arabesque. Oui, ça peut être dans beaucoup de cas, la chevelure est le début de ce paravent décoratif dont on parlait au début. C'est comme si la chevelure était au fond une sorte de peinture spontanée du corps. Comment décrire ce portrait d'Adèle Bloch-Bauer, où peut-être on retrouve cette nature incrustée dans la robe? Ce qui est frappant dans ce portrait, c'est d'abord le visage et la représentation qui est faite. C'est une femme maquillée, la peinture montre ce maquillage. Il y a un excès de rouge aux lèvres, un excès de rouge aux joues qui n'est pas une... C'est pas une pamoison. Ce visage, il est déjà peint une première fois avant d'être peint une seconde. Il y a ensuite l'intrication des mains qui sont très très nerveusement imbriquées, comme si cette femme était malheureuse ou préoccupée d'être là. Tout ça se noie dans une robe qui devient elle-même algue ou cheveux qui se fond dans une espèce de champ de nymphéas dorés. Donc dans ce cas-là, il y a à peine de la chair, au fond, tout ce qu'on voit, et même ces morceaux de chair qui émergent, ils sont déjà peints. On est vraiment dans cette haine baudelairienne de la nature, là, dans ce cas précisément. Alors peut-être ce dont on parlait tout à l'heure, c'est-à-dire l'absence de tableaux qui mettent en situation ces femmes dans les bois. Ces bois sont évidemment très antinaturalistes, sont Ils ont l'air d'avoir été fabriqués par quelqu'un de la Wiener Werkstatt, tellement ils sont... Ils sont ciselés comme des marqueteries. Au fond, des formes dorées cachent le corps de la femme. Il n'y a que le visage qui a quelque chose qui attend l'expressionnisme. C'est-à-dire qu'il y a les joues très rouges, les yeux très verts. C'est un visage fardé, un peu déjà à la façon expressionniste. Oui, oui. Non, mais je crois que un des grands traits de l'expressionnisme, en tout cas et du fauvisme dans la représentation des visages, c'est le refus d'envisager une chair non apprêtée. C'est une manière de poser l'homologie entre la parenté entre le maquillage, qui est une peinture sur le support de la chair, et la peinture d'une. Qui est au fond un maquillage sur la toile. Et j'ai toujours été fasciné personnellement par les tableaux. Il y en a un certain nombre, à mon avis, les plus extraordinaires dans ce genre-là sont ceux de Kupka, qui montrent des femmes en train de se maquiller et qui posent donc vraiment de façon très, très évidente dans le tableau la parenté entre les deux gestes. Ce geste de peinture native, spontanée, appartenant à tous les registres, à toutes les classes sociales, qui est celui du maquillage, et puis l'art de la peinture proprement dit. Il y a un tableau de Kupka qui s'appelle le rouge à lèvres. On comprend tout ça parce qu'il y a un moment extraordinaire où le rouge qui est passé sur les lèvres, on comprend que ce sont le rouge du rouge à lèvres et le rouge qui est sur le tableau, c'est exactement la même matière, c'est pas seulement la même couleur. Une appréhension très, très étrange d'un trait de peinture qui n'est pas un décalque de la réalité, qui est juste une transposition. Inge Scholstrasser, en tant que directrice du musée Freud et aussi en tant que femme, comment est-ce que vous regardez les femmes représentées par Klimt? Comment est-ce que vous regardez la peinture de Klimt, au fond? Avec grand plaisir, parce que Klimt, comme j'ai dit, montre les femmes et leurs secrets. Bon, sous quelle forme les secrets exprimés par Klimt? Klimt fait une décomposition des femmes et de leur entourage, et il fait un nouveau ensemble, une nouvelle composition de tout l'ensemble. Et c'est pour ça, c'est la même chose avec l'analyse, avec la psychanalyse, qui décompose, qui se... qui se souvient où on se souvient de quelque chose, mais la composition est à la fin une nouvelle composition dans laquelle tous les parts sont là-dedans, mais d'un nouvel arrangement. Vous voulez dire que Klimt prend en compte à la fois le portrait, la femme qu'il a sous les yeux, mais aussi sa mémoire, ouais, qui recompose le portrait de la femme? Oui, pour moi, il y a beaucoup de réflexion dans le travail de Klimt, et il y a beaucoup de mémoire. C'est pas une façon d'idéaliser la femme en prenant en compte la mémoire? Non, c'est une façon à la même temps de montrer quelque chose qui n'était pas là avant, et d'expliquer d'une façon d'un peintre le mémoire, ce que fait la femme. Comment est pensée la femme, selon Klimt ? Klimt reste un homme pour regarder la femme, ou bien il vit déjà une sorte de transfert ? Ce qui est passionnant, c'est que la femme chez Klimt, elle n'est pas divinisée, elle est objet de désir, et en même temps, elle est transcendée par le trait. Je pense que c'est un regard probablement masculin, mais où il y a cette magie qui est que le désir, y compris dans ses aspects les plus obscènes, n'est pas avilissant pour son objet. Les femmes de Klimt, elles n'hésitent pas entre la prostituée et la déesse. Elles sont les deux en même temps, comme chez Rops dans une certaine manière, mais chez Klimt plus que quiconque. Avoir ces trois vérités ensemble, c'est-à-dire que le désir n'avilisse pas son objet et qu'il ne se mente pas non plus à son sujet, c'est-à-dire que ses corps soient presque pourrissants, ça me paraît d'une... Crépusculaire. L'existence est un crépuscule qui commence très tôt, quoi. Et chez Klimt, tout ça est dit avec un bonheur insensé. Vous dites bonheur. Moi, je pense que le bonheur, c'est pas l'optimisme. C'est d'assumer une condition pathétique avec élégance. Tout à l'heure, vous avez prononcé le mot de bonheur. Moi, j'y vois quand même beaucoup de mélancolie, une mélancolie maladive qui pose quand même ses couleurs sur la chair. Crépusculaire ne veut pas dire grand-chose, mais il y a une maladie qui est posée. Il y a chez Klimt, il y a l'île aux morts de Böcklin qui est là derrière en permanence. Vous savez, Jean-Claire avait intitulé son exposition sur Vienne l'Apocalypse joyeuse. Donc, je crois qu'il y a en effet une dimension crépusculaire et apocalyptique. Enfin, sauf à le concevoir à la manière des grands magasins, le Auchan c'est la vraie vie, le bonheur, bon, évidemment c'est l'enfer. Donc sauf à le concevoir comme ça, le bonheur ne me paraît pas totalement étranger à la mélancolie ou l'inverse. Je pense que dans l'acceptation d'une condition finalement inacceptable, il y a la mélancolie et il y a ce que j'appelle peut-être à tort le bonheur, ou en tout cas le plaisir, la jubilation, je sais pas. Donc il y a la femme coupée de la nature, mais surtout coupée de l'homme. Elle est souvent seule. Pas toujours seule, puisque dans ces tableaux particulièrement provocants d'accouplement, le corps des hommes est présent, c'est vrai que leur visage est beaucoup moins... Vous ne dites pas que le corps de l'homme est mangé ou par la femme ou par la peinture? Si, y a un côté mente religieuse chez les femmes de Klimt. Et ça, c'est une figure qui me paraît être une des figures de l'éternel féminin, la mente religieuse. Mon maître à penser, c'est Roger Caillois. Et son texte sur les correspondances poétiques entre le comportement biologique de la mente et tous les mythes qui traitent d'une manière ou d'une autre de la femme fatale et castratrice me paraît un texte fondateur. C'est en tout cas un texte qui oriente beaucoup ma manière de voir les choses. Parce que tu connais l'histoire de la mante, tu sais que tout le monde pense qu'elle mange le mâle après l'accouplement, ce qui serait gentil au fond et pas spécialement féminin en fait. Elle lui coupe la tête et elle se sert des mouvements spasmodiques du corps du mâle pour l'accouplement. Et après, pour en débarrasser, elle le mange. Et ça, c'est là qu'on touche vraiment à la féminité. Faire assassiner. Thank you. Est-ce que les toiles, les portraits de Klimt ont fait scandale du vivant de Klimt, à l'époque de Klimt? Les portraits n'ont pas vraiment fait scandale. En revanche, les allégories que Klimt a peintes pour l'université entre 1896 et 1903 ont été jugées scandaleuses. Il devait en peindre trois, une sur la philosophie, une sur la médecine et une autre sur la justice. Et alors qu'on attendait des allégories d'un genre plutôt traditionnel, on a vu arriver des grands formats symbolistes dans la veine klimtienne, c'est-à-dire chargé d'érotisme, énormément de chair nue, ce à quoi on n'était pas habitué à l'époque. Est-ce que nous savons ce que Klimt pensait de sa peinture et comment il pensait la peinture? Est-ce qu'il y a des traces de la pensée de Klimt? Es gibt eine sehr gute Quelle. On dispose d'une très bonne source en la personne de l'écrivain et critique d'art contemporain de Klimt, Ludwig von Eversky. Il a régulièrement suivi et décrit avec une très grande précision les expositions des peintres de la sécession et donc des tableaux de Klimt. Ces renseignements nous sont très précieux, alors que, je le répète, nous n'avons aucun témoignage de Klimt lui-même. Mais dans la mesure où le peintre n'a pas contredit le critique non plus, nous pouvons en déduire que Eversky était dans le vrai. Alors, une dernière question. Assez souvent, les portraits, les visages sont peints réellement. On voit tout du visage, les yeux, le front, la bouche. Il y a un très beau tableau qui est exposé ici. On ne voit que les yeux de cette femme en noir. Es war so, dass Klimt war ein sehr ernsthafter Porträtiste und für ihn Klimt était un portraitiste très scrupuleux. Un de ses objectifs était d'être le plus fidèle possible au sujet. Ce qui explique aussi la facture réaliste des visages. Et ces tableaux lui ont demandé beaucoup de temps. Et d'un point de vue purement artistique, dans ce portrait de femme dont vous parliez, il s'agit d'un de ces tableaux dans lesquels on voit plus de choses que ne le montre la peinture elle-même. Et c'est un des grands secrets de la peinture de Klimt. Vous êtes peintre et je sais que vous avez beaucoup regardé Klimt. Oui. Qu'est-ce qui vous intéresse chez Klimt? Enfin, qui m'intéressait, puisqu'on parle de... Bon, d'abord, il fallait situer un peu le... mon intérêt dans le temps. C'était, il y avait justement une concordance des temps entre... Il y avait deux fins de siècle, en fait, hein. Et on... j'étais un de ceux qui sont intéressés à... Et la littérature de la fin du 19e, et aussi l'art, évidemment. Et puis, à cette époque-là, quand on a 18-20 ans, Klimt, tout de suite, c'est tout est là, il y a une espèce de programme fou entre le sexe, la musique, la philosophie, c'est brillant, donc c'est très... pour le jeune peintre que j'étais à l'époque, c'est une chose qui m'a effectivement beaucoup marqué. Vous avez parlé du programme fou. Ça vise quoi, en fait? Programme les fou. Couleurs ou bien la construction, disons, spiralée, oui, du c'est baiser ça. Ou de l'étreinte? Bon, il y avait cette, cette rythmie comme ça qui était tout à fait remarquable et qui était, moi, qui me plaisait évidemment beaucoup. Mais j'étais aussi beaucoup intéressé par les paysages qui sont, à mon avis, beaucoup plus rudes, beaucoup plus, justement, intéressants, moins faciles que cette production en comme ça, en volute... très spirituel comme ça. Ce qui est aussi intéressant, peut-être, c'est le transfert vers le féminin. Tout est féminisé, où le monde semble vu à travers la femme. Ouais, c'est ça. Ouais. Ben, il y a le... Bon, mais évidemment, quand on le situe historiquement, il y a toute l'importance de Freud, il y a tout Vienne qui est là. Hein. Donc c'est ça qui est... Cette féminisation est aussi, évidemment, très sensible. Est-ce que le côté scandaleux vous surprend encore chez Klimt? Il paraît que ça avait fait scandale. Provocateur. Enfin, on dit que ça a fait scandale. Je sais que il y a cette fameuse histoire du tableau qui est resté inachevé, où on s'est rendu compte qu'en fait, le motif décoratif venait recouvrir le sexe d'une femme. Enfin, on connaît l'anecdote, elle est fameuse. On a trouvé ce tableau à la mort de Klimt. Et le côté scandaleux a un peu disparu parce que disons qu'on a vu d'autres choses entre-temps, mais c'est vrai qu'on l'envisage. Effectivement, on peut comprendre que ça ait fait scandale. Vous pensez que le côté décoratif l'emporte sur la vérité du sujet? Je pense par exemple à la chevelure. Je pense que... Ou alors... Je vous aurais dit non il y a une quinzaine d'années, mais maintenant, je pense que oui. Il y a un côté décoratif qui a pris le dessus, il me semble. Mais quand même qui fait partie de la palette du peintre. Oui, tout à fait. Ce qui m'intéresse maintenant, enfin mon intérêt perdure dans ces tableaux qui sont ces tableaux de paysage que je trouve beaucoup plus durs, beaucoup plus radicaux, comme celui qui d'ailleurs est à Orsay qu'on a acheté tardivement. Vous ne trouvez pas que le portrait fait paysage? Non, ça aurait été une jolie formule, mais en l'occurrence là, non, ça ne, enfin je le prends pas comme ça. Ce portrait, vous le prenez comment? Comme un portrait qui n'ouvre pas. Ce que j'aime assez, c'est l'envahissement du motif décoratif, qui gagne et qui mord sur la personne représentée. Hein. Surtout dans celui-ci que j'ai sous les yeux, le portrait de Fritz Arredler. Hein. Voilà, ça, j'aime assez. Le côté, cette espèce de dangerosité du motif qui mord sur la figure de façon assez calme, presque. Voilà, ça, j'aime assez. Mais pour moi, je n'ai pas l'évocation d'un paysage. C'est pas assez atmosphérique ou pas assez... Ouais. Ce qui est intéressant aussi, c'est l'indécision du sujet. C'est-à-dire, on ne sait pas si c'est une femme réelle, ou il s'agit d'une femme rêvée. C'est l'idée d'une ou femme. Ou bien l'idée du sommeil d'une femme. Mmh. Non mais je pense que c'est effectivement le portrait d'une femme, mais par le filtre de la femme idéale, hein, c'est très sensible. C'est une femme parfaitement de son époque, je trouve. La femme n'appartient pas à toutes les époques. C'est la peinture qui l'a condamnée. Non, mais je pense à la fusion qu'il avait avec la femme dont il partageait la vie. On possède quelques photographies qui sont très touchantes de fusion entre les deux personnages. Et vous parliez tout à l'heure de féminisation, mais il y a aussi ces photos assez... qui sont touchantes et drôles à la fois, de Klimt avec cette sorte de robe qu'il s'est lui-même dessinée. Il y a des vues de jardin comme ça, où il est avec, je crois qu'elle s'appelait Emily Flog. Et il y a une fusion qui est touchante entre les deux. Peut-être aussi le côté féminin comme ça. Donc ce que vous retenez, Denis Lager, c'est plutôt cet état fusionnel. C'est-à-dire quelque chose qui n'est jamais arrêté. Peut-être, oui. Oui. Oui, c'est assez juste, je crois. Vous voulez pas feuilleter ce livre et vous arrêter, par exemple, à certaines images? Il y a une grande sensualité. Oui. Hein. Oui, ça. Je crois qu'il y avait. Loss qui trouvait ça, Adolphe Loss qui trouvait ça carrément dégoûtant, je crois. Ça avait fait, ça le gênait énormément. Bon, là, il y a le palais Stocklet, qui est cette merveille, effectivement, mais c'est pas tellement ça qui me. Voilà. Ce que j'aime beaucoup, c'est ça, c'est ces paysages, cette espèce de caviardage de la surface qui laisse très peu d'espace en fait au ciel comme ça. Hein. C'est vraiment le sol qui remonte. On va retrouver ça d'ailleurs. Bizarrement, l'autre fois, j'ai fait le rapprochement avec certaines peintures de Dubuffet dont il laisse une très petite bande de ciel comme ça. Et j'aime beaucoup cette espèce d'occupation un peu forcenée de la surface. Comment vous avez découvert Klimt ? Comment j'ai découvert Klimt ? À cette époque-là, je m'intéressais à, comme je vous le disais tout à l'heure, je lisais, je pense que les fins de siècle se ressemblent et je m'étais trouvé une sorte de passion pour des écrivains type Toulet, type Marcel Schwab, tout ça. Et ces gens-là étaient édités d'ailleurs dans 10-18 par Hubert Juin. C'était une très très bonne sélection de titres. Et puis, m'intéressant à cette littérature, je me suis intéressé au symbolisme qui allait de pair. Et puis, effectivement, à la fois aux Viennois, à la fois aux Anglais, aux Pré-Raphaélites. Etc., les Belges et tout ça. Donc c'est venu, c'est venu certes de la littérature, mais ça fait partie aussi des images qu'on retrouve tout à fait postérisées. Voilà. Tout le monde est tombé un jour, adolescent, sur un poster ou une reproduction. Voilà. Et puis, peut-être donc je voulais savoir quelle était la première image. Ah, la première image. Je pense que ça doit être le baiser, non ? Ça doit être la chose la plus reproduite. C'est un tableau saturé pour moi. Oui. Oui. Il est. Ce qui me plaisait, c'était le luxe. C'est-à-dire, effectivement, là, j'ai ça sous les yeux. Il y a cette feuille d'or comme ça. Il y a un luxe, il y a une abondance. Et ça tranchait, je pense, avec l'art que je voyais de mes pères. Voilà. Et aujourd'hui, vous en êtes où ? Par exemple, par rapport à la FIAC, où vous exposez. Oui. Vous en êtes loin de Klimt ? Klimt ? Oui, j'en suis loin. Qu'est-ce que vous avez tué, justement, éliminé, écarté ? Tout ce qui était décoratif, justement. Il y a beaucoup plus de fureur, un peu contenue quand même, mais tout ce qui était décoratif. Là, je racle l'os de la peinture. Il y a quelque chose d'assez cruel. Et il n'y a pas. Qu'est-ce qui reste ? Qu'est-ce qui reste au peintre ? Si, je crois qu'il y a encore des choses à faire. Enfin, j'espère. Alors, qu'est-ce qui reste sur le tableau ? Ah, sur le tableau, ouais. Sur le tableau, il y a une sorte de paysage manteau, comme ça. Voilà. Avec l'influence de la littérature encore. Mais mal d'aurore, cette fois. Et puis, depuis pas mal de temps. Selon vous, l'or rappelle l'icône ? Oui, probablement, mais c'est ce que je disais tout à l'heure. Je crois que la proximité de Vienne avec avec l'Orient fait que il y a à la fois Byzance, à la fois les mosaïques arabes. Vienne est très très marquée par ça. Il me semble que le Ring, c'est plus ou moins l'endroit où s'étaient arrêtés les Turcs, en fait. Ça tient aussi l'or l'or, c'est pas seulement Byzance, hein. Beaucoup de primitifs italiens, donc c'est pas une. Sicilienne. Voilà. Peinture fraîche, Gustav Klimt et les femmes au musée du Belvédère de Vienne, avec Gerber Freudel, Inge Scholz-Strasser, Didier Semain et le peintre Denis Laget qui expose dans le cadre de la FIAC 2000 à la galerie Montenay-Giroux. Traduction Françoise Détinger, recherche Ina Arnaud Touveron. Coordination Myriam Daquin, Gabi Grubmeier de la Maison de l'Autriche et Waltraud Leutner d'Austrian Airlines. Réalisation Patrick Henry et Viviane Noël. Cette émission a été diffusée pour la première fois sur France Culture le 18 octobre 2000. Vous pourrez la réécouter en ligne ou la télécharger durant un an sur le site franceculture.fr, rubrique Les Nuits de France Culture. Zur kleinen Chronik lass ich keine Seite aus. Sport und Politik aus fremden Staaten, Ehebruch und Geilerei, blätternd unter tausend Inseraten, fand ich heute in Schmerz und Schrei. Ich am Kamin und träumte mich in den Roman hinein. Welche Frau wohl da ihr Glück versäumte und wo mag jetzt Peter sein? Weint deine Mutter nach dem Sohne, schluchzt dein Mägdlein nach dem Schatz? Sicher steht sie jetzt auf dem Balkone, flüstert in die Nacht den Satz. Peter, Peter, komm zu mir zurück. Peter, Peter, warst mein bestes Stück. Stand ein Name, da ging ich nach mittags hin. Es empfand mich eine blonde Dame, diese fragte ich nach dem Sinn. Ist's ihr Bruder, Liebster oder Vater? Doch da hat sie laut gelacht. Mein süßer schwarzer Kater, der entlief mir gestern Nacht. Peter, Peter, komm zu mir zurück. Peter, Peter, warst mein bestes. Man erst alles ein.